Cette femme qui traverse devant moi semble pressée. Elle s'élance sur la voie de tramway avec des chaussures dont les talons hauts pourraient se prendre dans les rails et la faire chuter. Je roule à 20 km/h et j'ai déjà perçu ses mouvements. Un freinage à cette allure sera presque immédiat, 2 mètres au maximum. Je m'arrête bien sûr pour la laisser rejoindre le trottoir d'en face, surtout qu'un tramway arrive derrière. Réponse A.